4:30, activation, dictation, singular, plural. Listen and write in the missing words or letters. 1. La jeune fille va être française. 2. Les jeunes filles vont être françaises. 3. L'histoire va être amusante. 4. Les histoires vont être amusantes. 5. Le Brésilien va à la cité. 6. Les Brésiliens vont à la cité. 7. L'Américain ne va pas à la cité. 8. Les Américains ne vont pas à la cité.